Chapitre 3e, première recherche. Le chef de la sûreté chargea de cette mission un jeune inspecteur, Jacques Berton. Celui-ci n'avait que 27 ans. Mais depuis son arrivée à la brigade, il s'était montré actif, intelligent, perspicace. De plus, sortant de l'infanterie coloniale, où il était sous-officier, il ne redoutait ni une longue course à faire, ni une nuit blanche à passer. Quant au danger, pour les inspecteurs de la sûreté, du plus jeune au plus âgé, cela ne compte pas. On le méprise comme un facteur sans importance. Berton fut enchanté quand le chef lui annonça qu'il allait à Rambouillet. « Chouette ! » s'écria-t-il. « Courir à travers la campagne, ça me va. Ça me rappellera la brousse. Ça me rajeunira de 5 ans. » Il partit muni des instructions de son supérieur. Il devait se tenir, si besoin était, à la disposition du juge d'instruction et du procureur de la République. Mais hors le cas où ils auraient des ordres précis à lui donner, il avait liberté pleine et entière d'agir à sa fantaisie et de faire ce que lui dicterait son inspiration. Ne pouvant bien entendu descendre dans un hôtel en déclinant sa qualité d'inspecteur de la sûreté, il se demanda quelle profession il allait se donner. Il avait tout d'abord pensé à se prétendre voyageur de commerce. Mais à Rambouillet, presque tous les commerçants se fournissent directement dans les maisons de gros de Paris. Et puis, il les aurait bien vite tous visités. Alors, comment expliquer la prolongation de son séjour, si, comme cela semblait probable, elle devenait nécessaire? Après mûre réflexion, il se décida à se faire passer pour un reporter venu de Paris faire, pour son journal, une enquête sur les événements qui bouleversaient le pays. Cela n'avait rien que de vraisemblable et de plus, cela lui permettait de courir, d'interroger, de fouiller, de faire en un mot son métier de police sans risquer d'être soupçonné. Les reporters aujourd'hui ne font-ils pas de véritables enquêtes, aussi sérieuses et souvent mieux réussies que celles des gens de justice? Il fit donc tirer à la hâte par un de ses amis imprimeurs une dizaine de cartes de visite avec cette mention « Jacques Berthier, rédacteur au Grand Journal », et en descendant à l'hôtel du Lion d'Or rue Nationale, il remit une de ses cartes à la caissière qui était chargée d'inscrire sur le livre les noms des voyageurs. Il se fit donner une chambre, s'installa et ensuite se rendit chez le procureur de la République auquel il se nomma, mais en le mettant au courant de la fausse qualité qu'il avait prise. « Vous avez eu raison, » lui dit le magistrat. « Maintenant, agissez pour le mieux. Pour nous, nous ne savons que penser et que faire. » Les bandits agissent avec une habileté qui nous déconcerte. Pas une trace, pas un indice. On dirait qu'ils sont invisibles et qu'ils ont le don d'ubiquité. Quand on les recherche d'un côté, ils nous montrent par quelque nouveau méfait qu'ils sont d'un autre. Vraiment, c'est à désespérer. « Ne désespérez pas, monsieur le procureur de la République, » répondit le jeune inspecteur. « Nous avons éclairci d'autres mystères qui étaient aussi impénétrables que celui-ci. Sans me vanter ni répondre de rien, j'ai tout de même bon espoir de vous débarrasser bientôt de cette engeance. « Dieu vous entende, » dit le procureur. « Allez, mais aussitôt que vous saurez quelque chose, prévenez-moi. C'est tout naturel, comptez sur moi. » Le faux journaliste salua et se retira. Pour continuer à jouer son rôle, il se rendit au bureau du journal local, Laurent Bolitin, annonça sa prétendue mission et demanda l'aide de son confrère. Celui-ci, flatté, lui promit de lui communiquer tous les renseignements qui lui parviendraient, mais en lui faisant observer que, n'étant pas journaliste d'information, il ne savait guère que ce que le parquet ou des gens de bonne volonté voulaient bien porter à sa connaissance. « Tout ce que je puis vous dire, déclara-t-il, c'est que pour commencer votre enquête, vous ne feriez peut-être pas mal de voir M. de Coninck, un tailleur qui a été la première victime des malfaiteurs. Il pourra vous donner des tuyaux. Il demeure avenue de la gare. Tout le monde vous indiquera son domicile. « Merci, » dit l'inspecteur, en tendant la main au directeur du Rambolitain. « Je vais de ce pas chez votre tailleur. Vous pouvez dire que vous venez de ma part. Il vous recevra bien. C'est un très brave homme. Quel malheur d'être paralysé des jambes. Mais cela n'influe en rien sur son caractère. Il est aussi gai que s'il avait la santé la plus florissante du monde. Merci encore. J'y cours. » Berton se rendit avenue de la gare et à travers les vitres du magasin aperçut le tailleur assis sur son établi, la pipe à la bouche, en train de couper un vêtement, tandis que sa femme et son fils, celui-ci courbé de façon à toucher l'étoffe avec ses lunettes bleues, faisaient des coutures. Il ouvrit la porte de la boutique et demanda « Monsieur de Coninck, c'est moi, » dit le tailleur. « Donnez-vous la peine d'entrer. Excusez-moi si je ne vais pas vous recevoir, mais vous savez probablement que je suis cloué sur ma table. »« Je le sais, » dit l'inspecteur en refermant la porte. « Et qu'y a-t-il, monsieur, pour votre service ?»« Voilà ce qui m'amène. Je suis journaliste, reporter du Grand Journal de Paris. Je suis venu ici pour faire un article sur les événements qui s'y passent. » « Événements bien tristes, » interrompit le tailleur. « Certes, oui. » Alors mon confrère du Rambolitain, que j'étais allé voir, m'a conseillé de venir auprès de vous, m'affirmant que vous pourriez me fournir de précieux indices. Votre confrère a exagéré, monsieur, car je ne sais en réalité que ce que tout le monde sait à Rambouillet. J'ai eu le malheur d'être le premier de la série. Mais à ce moment, il ne faisait que voler. Maintenant, il tue, c'est plus terrible. Je dois être heureux d'avoir échappé. Mais ne m'a-t-on pas dit que vous les aviez vus ? Pas moi, ma fille. Et pourrait-elle me dire, elle n'est pas ici. Si vous voulez revenir ce soir après 7 heures, vous la trouverez. Elle vous dira ce qu'elle sait. Ce n'est pas beaucoup, mais ce sera toujours ça. Merci. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Oh, si peu. Tout à votre service, monsieur. Reconduis donc, monsieur. Le fils se leva, marchant presque au hasard dans sa demi-cécité, et alla avec Berton jusqu'à la porte. Alors à ce soir, monsieur de Coninck, fit l'inspecteur. « À ce soir, monsieur, nous vous attendrons. »